Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, une affaire qui n'en finit pas dans sa portée universelle de nous bouleverser et de nous interroger, l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, l'épisode 1, La République à l'épreuve. Alfred Dreyfus est un officier de l'armée française. Patriote, brillant et juif, cet homme tranquille vit à Paris avec sa femme Lucie et leurs deux enfants. Le 15 octobre 1894, sa vie bascule. Il est arrêté au petit matin et jeté en prison. Mis au secret, interrogé pendant des jours sans connaître le motif de son arrestation, au bord du désespoir et de la folie, il clame son innocence à ses accusateurs, bien décidés, eux, non pas à faire la vérité et la justice, mais à briser un homme. Deux mois plus tard, Alfred Dreyfus, convaincu de trahison au profit de l'Allemagne, est condamné à l'unanimité par le Conseil de guerre de Paris à la dégradation militaire et à la déportation en Guyane. L'histoire d'Alfred Dreyfus aurait pu en rester là, celle d'un innocent victime de l'antisémitisme et de l'arbitraire de la raison d'État. Mais c'était sans compter avec le courage d'hommes et de femmes, en premier lieu Mathieu, le frère d'Alfred, qui, contre l'indifférence et contre la haine, s'engagèrent pour faire éclater la vérité. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Vincent Duclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, un des spécialistes en France de l'affaire Dreyfus. Pourquoi l'affaire Dreyfus tient-elle une place à part dans l'histoire de France, dans l'histoire universelle même, on peut le dire ? Oui, c'est cette place est tout à fait légitime parce que, à travers l'affaire Dreyfus, on observe ce qu'on pourrait nommer la montée des totalitarismes, hein, puisque ce sont dans des régimes démocratiques que se mettent en place des systèmes d'écrasement des personnes au nom d'idéologie, comme l'antisémitisme. Et puis, ce qu'on observe également, c'est le courage d'hommes ordinaires, cette résistance, en fait, des individus. Et ça, ça compte énormément, parce que c'est ce qui permettra aussi au XXe siècle d'opposer à ces totalitarismes, à ces processus génocidaires, le courage d'hommes et de femmes. Et de ce point de vue-là, l'affaire Dreyfus nous enseigne beaucoup et nous enseigne aussi sur, puisque l'émission d'aujourd'hui porte le titre « La République à l'épreuve », comment une démocratie arrive à sortir d'une affaire de raison d'État, et elle va sortir effectivement par plus de démocratie, par des lois essentielles, liberté d'association ou liberté de conscience. Alors cette affaire qui s'étire sur de nombreuses années, il en faudra du temps donc pour démêler la machination dont a été victime Dreyfus et à faire reconnaître son innocence. Il ne sera réhabilité qu'en 1906. Alors cette histoire si riche, donc j'ai choisi de la raconter en deux épisodes. Le premier à travers le regard de Mathieu Dreyfus, le frère, et le second la semaine prochaine à travers celui d'un autre acteur essentiel, Émile Zola, l'auteur bien sûr du fameux J'accuse. Alors avant de commencer cette histoire, pouvez-vous, Vincent Duclerc, nous rappeler dans quel contexte si particulier est née cette affaire en 1894 ? Alors c'est vrai que cette affaire est un peu paradoxale parce qu'elle intervient à un moment de démocratisation de la France à travers la Troisième République. Ce qu'il faut effectivement souligner d'emblée, c'est que cette démocratisation, précisément, elle commençait à s'essouffler. C'est-à-dire que les grandes lois, notamment la loi sur la presse, par exemple, ce temps des grandes lois était terminé, que le pouvoir, les républicains devenaient plus autoritaires, devaient certes lutter contre soit ce qu'on a appelé le boulangisme, des formes de populisme, ou bien les attentats anarchistes. Mais il est clair que la République connaissait un arrêt de son processus démocratique. Ce que l'on observe aussi, c'est la polarisation de l'opinion française et d'une partie des élites sur l'Allemagne, à juste titre, parce que l'Allemagne avait gagné la guerre franco-prussienne et avait annexé l'Alsace et la Moselle, et donc l'idée de la revanche. Mais on sait bien que la revanche, à cette époque-là, n'était plus complètement dans la visée de l'état-major, c'était plutôt effectivement la conquête coloniale. Néanmoins, tout ce qui touche à l'Allemagne, tout ce qui touche à la défense nationale est un élément sacré et donc il y a de nombreuses affaires d'espionnage. Un autre élément qu'il faut vraiment rappeler pour comprendre comment se met en place et font ces mécanismes qui amènent un innocent à être broyé par la machine judiciaire, la machine policière et la machine politique, eh bien, c'est aussi une crise économique, une des tensions sociales fortes qui débouche sur de la xénophobie et un renforcement de l'antisémitisme. Et au fond, tous ces ingrédients font que, effectivement, Dreyfus devient le coupable idéal. Alors, qui est justement Alfred Dreyfus en 1894? C'est un inconnu promis un bel avenir militaire, c'est ça? Alors, Alfred Dreyfus est issu d'une famille relativement aisée d'Alsace, de Mulhouse, mais c'est quelqu'un qui a choisi la carrière militaire, donc il a choisi de mourir pour la France, hein, et d'une certaine manière, il n'a aucun mobile à trahir, puisqu'il est issu d'une famille riche, et il a cette vocation militaire. C'est un brillant sujet, c'est vraiment quelqu'un qui a été formé par l'école de la République. Il faut savoir que, je veux dire, dans son jeune âge, il parlait allemand, et il a cette capacité bilingue qui fait aussi qu'il est capable de lire des plans allemands d'artillerie, tout ça. C'est un brillant élève, il fait l'école polytechnique, ensuite il fait l'école de guerre, il fait des stages à l'état-major, et c'est là que, dans certains bureaux de l'état-major, dans tout l'état-major, il y a des officiers antisémites qui ont décidé d'éliminer de l'état-major eh bien, ces officiers modernistes, c'est un intellectuel, hein, c'est un scientifique, et ces officiers juifs. Et donc, il voit effectivement dans l'affaire d'espionnage l'occasion de broyer quelqu'un. Vincent Duclerc, merci. On se retrouve, si vous êtes d'accord, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'affaire Dreyfus, épisode 1, La République à l'épreuve. Un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Ossire. Lucie ne parle pas d'Alfred. Elle signale même le télégramme. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Les enfants? Alfred est malade? Je ne sais quoi penser. Enfin, on arrive à Paris. Je vais en avoir le cœur net. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de trouver une solution. Ah, respirer le bon air de ma vieille capitale. On s'y est pas mal amusé, surtout au lycée. Alfred fumait la pipe, un peu dandy. Seulement lui, il a fait Polytechnique. Ça, les concours, c'était pas pour moi. 1er novembre 1894, 6 heures du matin, Mathieu Dreyfus est dans le train qui entre en gare de l'Est. Il connaît bien Paris. En 1872, lors de l'annexion par l'Allemagne, cette famille de bourgeois alsaciens avait choisi la nationalité française. Mathieu et son frère Alfred ont fait leurs études à Paris. Mathieu a ensuite succédé à leur père à la tête de l'usine textile familiale en Alsace. Hier matin, il suivait les cours du coton comme tous les mercredis à la Bourse de Mulhouse quand on lui a remis une dépêche. Sa belle-sœur, Lucie Dreyfus, la femme d'Alfred, le priait de venir d'urgence. Le soir même, Mathieu a pris le train de nuit pour la capitale. Ah, la voilà, toute seule sur le quai. Je la connais pas beaucoup, au fond. Ils sont si discrets, Alfred et elle. C'est air grave. Il est arrivé malheur. Bonjour, Lucie. Venez, Mathieu, suivez-moi. Je ne sais pas comment vous le dire. Alfred a été arrêté. Il y a 15 jours, il est accusé de haute trahison. Alfred? De haute trahison? Chut! Surveille. Nous parlerons dans le fiacre. Je vais chercher une voiture. Attendez-la. Accusé de haute trahison? Il doit y avoir une erreur. On doit pouvoir expliquer tout ça simplement. C'est irréel. Alfred. Excellent élève. Alfred Dreyfus a fait l'école polytechnique et rejoint l'artillerie. C'est un officier discret, animé d'un extrême patriotisme, mathématicien hors pair. Tout lui souriait. Il y a 4 ans, il a épousé Lucie, sœur d'un condisciple polytechnicien, à la synagogue de la rue de la Victoire. La famille Dreyfus s'est attachée aux pratiques religieuses de la tradition juive. Le couple a 2 enfants, Pierre, 3 ans, et Jeanne, 1 an. Le 15 octobre 1894, Alfred Dreyfus a été arrêté. Au moment où Mathieu arrive à Paris, l'arrestation n'a pas encore été rendue publique. Si c'est avenue du Trocadéro. Racontez-moi. Alors, le samedi, il a reçu une convocation au cabinet du chef d'état-major pour le lundi, 9h. Un détail nous a frappé, il devait venir en tenue bourgeoise. Sans uniforme? Il savait déjà qu'ils allaient l'arrêter. De quelle autre trahison est-il accusé? Je ne sais pas. On m'a rien dit. Il n'est plus revenu à la maison depuis. Un officier chargé de l'enquête est venu chez nous le soir même. Son nom? Le commandant du paquis de Clam. Il a dit qu'Alfred était un homme de la pire espèce. Il a fait perquisitionner toute la maison. Je n'ai rien pu obtenir de précis. Il est très étrange. Qu'est-ce qu'il cherchait? Du papier pelure. Il m'a interdit de parler de l'arrestation. Même à la famille, il a dit que je perdrais mon mari définitivement si ça s'ébruitait. Mais vous m'avez appelé? Oui. Hier, il a levé l'interdiction. Je ne sais pas pourquoi. Et ce matin, il m'a envoyé cette carte. Tenez. Il y a encore de l'espoir. Le conseil des ministres réunit ce matin. Je passerai dans la journée. Le conseil des ministres? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, Mathieu. Je ne sais rien. Cette épreuve, nous la traverserons avec lui, n'est-ce pas? Mais oui. C'est pour cela que je vous ai appelé. Et les enfants? Ils sont chez mes parents. Je veux qu'ils ignorent tout, vous m'entendez? Mais Lucie, le nom des Dreyfus n'est pas déshonoré. Je veux les protéger. On ne sait pas ce qui va se passer. Alfred est en prison et... Merci d'être venu, Mathieu. C'est normal. Mais qu'a-t-il fait? Cet enquêteur, ce Dupaty, écrit qu'il viendra dans la journée. Vous croyez qu'il le fera? Oh oui, il vient tous les jours. À n'importe quelle heure, il me persécute. Il est là, dans le salon. Ah, Madame Dreyfus, je vous attendais. Un de mes agents était garde de l'Est. Vous savez que vous êtes suivi, n'est-ce pas? Qui est-ce? Mon beau-frère. Hier, vous m'avez autorisé à prévenir la famille. Oui, oui, oui, tout à fait. Je me présente. Mathieu Dreyfus. Vous entrez chez les gens comme ça? Commandant Dupaty de Clam. Chargé de l'enquête pour le conseil de guerre. Madame, je voulais vous voir. Figurez-vous que nous soupçonnons votre mari d'avoir une maîtresse. Quoi? Monsieur, comment pouvez-vous? C'est ignoble! Une double vie, quelle indignité. Moi, j'ai perdu ma femme, mais je n'ai eu aucune relation avant de me remarier. C'est de la calomnie! Trahir sa femme et trahir sa patrie, c'est tout comme. Les résultats de l'enquête le confirmeront. Vous l'accusez d'avoir trahi l'armée? Quelle preuve avez-vous? Imaginez un cercle, dans lequel on fait entrer un certain nombre d'officiers susceptibles d'avoir commis le crime. Par élimination successive, le cercle se rétrécit. À la fin, il en reste un. Alfred Dreyfus. Quelle charge avez-vous contre lui, monsieur? Au ministère de la guerre, dès qu'on a su qu'il y avait trahison, tout le monde a dit que c'était lui le coupable. Sur quelle preuve? Nous sommes entre gens d'honneur. Je sais la discrétion qui vous est imposée. Dites-moi au moins si les preuves que vous avez sont irréfutables. Pas un millième de chance, votre frère est un espion. Pour qui? Et le mobile? Pourquoi aurait-il fait ça? Votre frère est un monstre à double face. Si c'était le cas, il en aurait donné des signes. On n'est pas un monstre tout d'un coup. Rien dans sa vie n'aurait... Croyez-le bien. Rechercher la vérité, c'est mon devoir. Il est terrible. Pensez. Je suis descendu au fond de ma conscience. J'ai demandé conseil à mes défunts ancêtres, les Bayards de la Vintrie. Et j'ai décidé d'interroger votre frère moi-même. De quoi l'accuse-t-on? Secret défense. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il aurait écrit un document compromettant. Or, il se trouve que je suis expert en graphologie. Aussi, prétextant que j'avais mal au doigt, je lui ai dicté quelques lignes, afin de comparer les écritures. Vous me suivez? Il tremblait, le traître. Je lui ai demandé de se lever et d'écrire debout. Enfin, pour pousser au bout l'examen, je l'ai prié aussi d'écrire couché. Allongé sur le sol, oui. Je n'ai rien négligé. A-t-il avoué? Un demi-aveu. Mais j'en obtiendrai de complets. J'ai demandé à m'introduire de nuit dans sa cellule, armée d'une lanterne, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et le faire avouer dans les mois du réveil. Le commandant de la prison s'y oppose. J'y parviendrai. Commandant, cet aveu, s'il doit le faire, il ne le fera qu'à moi. Laissez-moi le voir. S'il est coupable, il me dira. Vous écouterez, caché dans le couloir. Jamais, jamais. Un seul mot et ce serait la guerre européenne. Dans une semaine, votre frère sera jugé devant le conseil de guerre. Madame, monsieur. La guerre européenne? Que voulez-vous dire? Je lui offre une épreuve loyale pour obtenir l'aveu de mon frère. Il la refuse et répond, un mot, un seul, et c'est la guerre européenne? De quoi parle-t-il? Quel mot si fatal pourrait provoquer une telle déflagration? La vie de mon frère est entre les mains d'un fou. Un rendez-vous dans une brasserie, entre deux plaidoiries. Mais au moins, j'ai trouvé un avocat. L'innocence d'Alfred est facile à démontrer. C'est une machination, une vengeance. Il a gravi les échelons trop vite. Et cette infâme campagne de presse. On aurait vu Alfred à Monte Carlo jouant dans des tripots aux bras de femmes suspectes. Ceux du Paty. Mais j'ai confiance dans l'armée. Le conseil de guerre va reconnaître son erreur. Car c'est une erreur. Ah, ce doit être eux, à cette table. Décembre 1894, le journal La Presse titre « Crime de haute trahison, un scandale au ministère de la guerre, vente de documents intéressant la défense nationale ». 3 mois plus tôt, Madame Bastian, femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, travaillant en fait pour le contre-espionnage français, a trouvé une lettre dans une corbeille à papier. Ce document contient des renseignements confidentiels sur les positions des troupes françaises à la frontière de l'Est. C'est le fameux bordereau. Alerté, le ministère de la guerre en conclut qu'un traître se cache dans les rangs de l'état-major. Il faut mettre au plus vite un nom sur le coupable. Il en va de la crédibilité du ministre de la guerre face à l'Allemagne qui a écrasé la France si tragiquement en 1870. Suite à une enquête interne, les soupçons se sont portés sur le capitaine Alfred Dreyfus. Il doit passer en conseil de guerre le 19 décembre. Lucie et Mathieu organisent sa défense. C'est à la brasserie des Deux Palais, en face du palais de justice, que les attend Maître de Mange, un avocat catholique et conservateur. Lucie, tu es toute pâle. Ma fatigue, sans doute. Madame Dreyfus vient de m'exposer l'affaire. Je n'ai que quelques minutes à vous consacrer avant la reprise de séance. Mon frère est innocent. Je le connais. Je le connais. Vous êtes son frère, vous dites qu'il est innocent, soit. C'est dans l'ordre des choses. Ce que je veux, c'est comprendre. Oui, bien sûr. Ma famille habite Mulhouse depuis des générations. Avec l'annexion, nous avons quitté l'Alsace et choisi la France. Ça a été un déchirement profond. Si Alfred s'est engagé dans l'armée, c'est pour préparer la revanche. Vous comprenez ? C'est un argument, en effet, qui plaît dans sa faveur. Il dit toujours qu'il a choisi l'artillerie parce que dans le futur conflit avec l'Allemagne, il en est sûr, elle jouera un rôle décisif. L'armée, c'est toute sa vie. Il ne peut la trahir. C'est comme s'il se trahissait lui-même. J'accepte de défendre Alfred Dreyfus à une condition. Qu'il n'y ait dans le dossier de votre frère aucune charge qui me fasse douter de son innocence. Réfléchissez avant d'accepter. Le procès a lieu dans une semaine. Nous acceptons. Vous ne trouvez rien dans le dossier. Il ne peut y avoir de preuves. Il est innocent. Perpétuité. La déportation à perpétuité. Le dossier est vide. Que s'est-il passé ? Oh, ces cris de vendeurs de journaux. Condamnation du traître. Le traître condamné à la déportation perpétuelle à l'unanimité. Ces cris. Et le condamné, c'est mon frère. 22 décembre 1894. Maître de Mange a assuré la défense d'Alfred Dreyfus. Après 4 jours d'audience, le verdict tombe. Reconnu coupable d'espionnage et d'intelligence avec une puissance étrangère, Alfred Dreyfus aurait livré des informations secrètes à l'Allemagne dans le but de l'aider à entreprendre la guerre contre la France. La base de l'accusation est le bordereau, écrit sur du papier pelure, non signé et non daté. Sur une preuve si mince, le Conseil de guerre condamne un homme pour haute trahison. À l'unanimité. Le code de justice militaire prévoit la détention à perpétuité. Alfred Dreyfus est reconduit de nuit à la prison militaire du Cherche-Midi. Le soir même, Lucie et Mathieu ont l'autorisation de le voir. Comment va-t-il tenir le coup ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Enfin ! Nous allons lui parler. Nous arrivons. Il a beaucoup de courage, Lucie. Il tiendra. Ah ! Maître de manger déjà. Nous attend devant la prison. Maître, comment est-il ? Comment supporte-t-il tout cela ? Je l'ai supplié de ne pas prendre de résolution. Qu'il n'attende pas à sa vie. Il faut qu'il vive. Maître, c'est incompréhensible. Il y avait une atmosphère étrange à ce procès. Quand j'ai plaidé, aucun des 7 juges n'a même fait semblant de m'écouter. Ils feuilletaient leur dossier. l'air absent, comme si le verdict ne dépendait pas des arguments de la défense. Une fois ma plaidoirie terminée, le conseil s'est retiré. Que s'est-il passé dans la salle des délibérations? Je ne sais pas. Ils sont ressortis avec cette condamnation inique. Je ne peux pas le croire. Le conseil de guerre condamne à la déportation perpétuelle sans preuve, sans mobile. Monsieur Dreyfus, je suis catholique et plutôt conservateur, vous le savez. Eh bien, je l'affirme. Si le capitaine Dreyfus n'était pas juif, j'en ai l'intime conviction, il n'aurait pas été condamné. Parce qu'il est juif? Demain, je se trompe. L'armée, c'est l'honneur, la droiture, la justice. C'est la France, tout ce en quoi nous croyons. Condamné parce qu'il est juif? Nous sommes français et patriotes. Alfred a toujours voulu servir l'État français. Et notre famille en est si fière. Non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Perpétuité. J'avais tellement confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je le vois. Et Lucie, sa vie brisée, ses enfants qui grandiront sans père. Jeanne est si petite. Pierre a dit au dîner qu'il s'ennuyait beaucoup de son papa et demandait quand il serait de retour. Si Alfred Dreyfus a pu accéder aux plus hautes fonctions militaires par ses qualités intellectuelles sans considération de sa naissance, c'est grâce aux réformes républicaines. Les anciennes élites n'ont plus le monopole du pouvoir. Ayant cette toute fin du XIXe siècle, la Troisième République suscite de fortes résistances au sein de l'Église catholique et de l'armée. Non seulement Dreyfus est issu de la méritocratie républicaine, mais il est juif. La Révolution française a instauré l'égalité de tous les citoyens. Juifs et protestants peuvent prétendre aux plus hautes charges de l'État. L'universalisme républicain, sa conception du progrès humain fondée sur la raison, se voit opposer la violence antisémite et l'irrationalisme. Ils sont au cœur de l'affaire Dreyfus, qui va offrir au milieu catholique et conservateur l'opportunité de déstabiliser la République. Ce 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus est condamné. Avouez, Dreyfus, je suis innocent. Alors vous êtes le plus grand martyr du siècle. L'avenir le prouvera. Ah, maître Demange. Quelle plaidoirie. Malheureusement, face au crime, l'éloquence ne peut rien. Monsieur, je vous donne l'ordre de nous laisser. Lucie, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que je fais là? Ne pleure pas, je t'en prie, Fred. Non. Les enfants, que dit Pierre? Et Jeanne, demande-t-elle après moi? Fred, courage. Tu les retrouveras. Tu dois vivre, n'est-ce pas? Tu ne feras rien contre toi, Fred. Promets-le. Le suicide serait un aveu de culpabilité, vous le savez. Mon cher frère, je sais, tu as donné ta vie au service de la France. Se voir condamné comme cela, c'est... La haute trahison, Mathieu, c'est le crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre. Je suis donc maudit. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des hommes qui se trompent. J'ai cru à l'acquittement, j'y ai cru jusqu'au dernier moment. Tu comprends, Mathieu? Sur l'estrade du conseil de guerre, il y avait des officiers comme moi, des camarades. J'allais leur prouver mon innocence. Les experts en graphologie, il y en avait deux avec moi, deux contre moi. Aucun mobile, aucune preuve. J'ai bien réfléchi. Mon seul crime est d'être né juif. Toi aussi, tu le penses. Maître Demange. Oui, Mathieu. Oui. Ouvrez les yeux. Moi non plus, j'arrivais pas à y croire à présent, c'est certain. Lucie, Mathieu, vous devez chercher la vérité. Comment sommes-nous arrivés là? Cherchez. Remuez ciel et terre, essayez de savoir ce qui s'est passé. Il faut réhabiliter mon nom traîné dans la boue. Vous m'entendez? Quoi qu'il advienne de moi. Vous me le promettez? Oui, nous allons nous battre. Je suis prêt. Fred, ne dis pas quoi qu'il advienne de moi. Pas comme ça. Nous trouverons les coupables, je te le jure. Mais promets. Promets que tu ne... Fred! Je supporterai tout. Je te le promets, ma Lucie. Déjà. À bientôt, Fred, chérie. Bientôt. Libre. J'ai apporté le pourvoi en révision. Signé ici. Nous te sortirons de là. Prends patience, Alfred. Vous y croyez, maître, à la révision? Vous ne pouvez rien faire de plus, Mathieu. Vous avez fait votre devoir. Mon devoir, il commence. Ici même, dans cette cour de l'école militaire où il a les meilleurs souvenirs de toute son existence, Alfred avait été si heureux d'être admis jeune et brillant officier. Humilié. Et Lucie, la tête droite, sous les injures, sans une larme. Portez armes ! Ce 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus est dégradé publiquement. Sous le haut commandement du général d'Arras, plusieurs milliers d'hommes de troupes sont rassemblés dans la cour de l'école militaire. La foule derrière les grilles hurle « À mort le traître, mort aux Juifs !» Un huissier lit le jugement. Le capitaine Dreyfus s'avance, escorté par 4 artilleurs. Là, un garde républicain arrache ses insignes, les fines lanières d'or de ses galons et les parements de sa veste. Dreyfus, vous êtes indigne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je suis innocent. Je le jure. Oui, Alfred. Tu es innocent, et nous le prouverons. Je suis un homme ordinaire. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais j'y arriverai. Le voir ainsi subir l'humiliation devant toute la troupe sans baisser le regard. L'adjudant de la garde républicaine. Il brise sur son genou le sabre d'Alfred, qui reste la tête haute. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France. Vive l'armée. Tout le monde pense qu'il est coupable. Et le pourvoi en révision a été rejeté. Tout est contre nous. À qui m'adresser? Aux journalistes? Je frappe à toutes les portes, mais mon nom suffit à me faire refuser l'entrée. Un seul a pris fait et cause pour Alfred. Bernard Lazare, un anarchiste. Si j'avais pensé qu'un jour... Mercredi 2 septembre 1896, 10h du matin, à l'île du Diable. Les nerfs m'ont fait souffrir toute la nuit. J'aurais voulu les calmer en marchant. Mais il pleut une pluie torrentielle, extraordinaire, car nous sommes à la saison sèche. Je scrute l'horizon à travers le grillage de la lucarne pour voir le courrier venant de Cayenne. Plus rien à lire. 1 an et demi qu'il est en Guyane, et on l'a complètement oublié. Mais j'ai compris. Pour sortir de l'oubli, il faut des coups de théâtre et des tours de passe-passe. J'en ai trouvé un. Ça a été un jeu d'enfant de déjouer la surveillance policière, de sauter dans un train et de traverser la Manche. J'ai répandu la rumeur à Londres. Alfred Dreyfus s'est échappé du bagne à bord du vaisseau Le Nom Pareil. Et le Daily Chronicle a publié la fausse nouvelle. Lundi 7 septembre 1896. Cette nuit, j'ai été mis au fer. Pourquoi? Je l'ignore. Depuis que je suis ici, j'ai toujours observé intégralement les consignes qui m'étaient données. Comment ne suis-je pas devenu fou? Septembre 15 1896. Alfred Dreyfus purge sa peine sur l'île du Diable. C'est une affaire classée. La nouvelle de sa pseudo-évasion le remet dans l'actualité. Si elle suscite de violents articles antisémites, elle permet aussi, et pour la première fois, la révélation d'une partie de la vérité. Dans Le Figaro, Gaston Calmette publie les confidences d'un ancien gardien de Dreyfus en Guyane. Il décrit avec bienveillance un homme courbé, cheveux blanchis, gardé jour et nuit par 6 surveillants armés et qui répète constamment qu'il est innocent. L'article trouble l'opinion. Une semaine plus tard, Mathieu a rendez-vous avec Lucie sur un quai de la Seine, loin des regards. L'été est encore là et il fait très chaud. À midi, les bancs sont déserts. Pardonnez-moi, je vous ai fait attendre. Vous avez lu le journal? Il se passe quelque chose. Vous lisez l'éclair, Lucie? Le porte-voix des bureaux de l'état-major? Justement, regardez. Le ministère de la guerre a tort de laisser le doute se glisser dans la conscience publique. Ils veulent parler de l'article de Calmette? Il suffirait pour dissiper tous les doutes de dire toute la vérité. Oui. Attendez, c'est après. La vérité est que Dreyfus n'a pas été condamné seulement pour le bordereau, mais aussi sur une lettre d'un attaché militaire allemand qui contient ces mots. Cette canaille de D devient bien exigeant. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une lettre qu'il compromet ? Attendez, attendez la suite. Cette lettre n'a été montrée ni à Dreyfus ni à son défenseur et n'a pas été soumise au juge pendant le procès légal. Mais quand ceux-ci furent réunis dans la chambre du conseil hors de la présence de l'accusé, cette pièce leur fut communiquée et elle décida de la condamnation. La pièce n'était pas dans le dossier d'accusation. C'est illégal. Et vous vous souvenez ? Maître Demange qui s'étonnait de l'attitude distraite des juges. Un dossier secret. C'est un élément nouveau, Mathieu, qui peut faire rouvrir le procès. Mais Lucie, ils mentiront. Ils nieront. Il faut se battre, Mathieu. Dessaisir les militaires, en faire une affaire nationale. Je vais m'adresser aux députés de la République française. Demander la révision du procès. Je vais leur écrire. Quelque chose comme... Messieurs les députés, le journal L'Éclair a publié le mardi 15 septembre qu'il y a une preuve matérielle irréfutable de la culpabilité de mon mari. Communiquée confidentiellement par le ministère de la Guerre au juge. Sans que l'accusé ni son défenseur en aient connaissance. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, je dirais, j'ai attendu un démenti de votre part. Il n'y en a pas eu. C'est la négation de toute justice. Depuis 2 ans, je me suis enfermée dans le silence. Aujourd'hui, mon devoir est d'en sortir et je m'adresse à vous, messieurs les députés, je réclame justice. Lucie Dreyfus. Qu'en pensez-vous ? Le majordome m'a dit de me tenir dans ce fauteuil. J'espère ne pas attendre des heures. La situation est stupéfiante. Un dossier secret. De multiples violations de la loi. Ça ne révolte personne. Notre demande en révision est restée sans réponse. Ah, sur le coup, ça m'a totalement abattu. Mais j'ai repris courage. Il faut trouver le vrai coupable. Celui qui a écrit le bordereau. Je suis ici pour ça. On doit me donner une information capitale. Il me fait attendre. Un cercle de jeu. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Est-ce lui qui vient vers moi ? Novembre 1896, Mathieu Dreyfus a rendez-vous au cercle du boulevard Montmartre. Quelques jours plus tôt, pour frapper un grand coup, il a proposé au journal Le Matin de publier le fac-similé du bordereau en regard d'une lettre d'Alfred. La seule pièce du dossier d'accusation officiel est enfin exposée aux yeux du public. Chacun peut constater que l'écriture d'Alfred est totalement différente de celle du bordereau. Après chaque publication dans la presse, Mathieu est toujours contacté par divers faux témoins qui vendent de fausses preuves, des indicateurs véreux à la solde des services de renseignement et même une voyante. Depuis le début, il s'est fait un devoir de suivre toutes les pistes. Cette fois, 3 jours après la publication des spécimens dans Le Matin, Mathieu doit rencontrer un banquier britannique, Jacques de Castro. Vous êtes Mathieu Dreyfus ? Oui. Serviteur. Suivez-moi, dans la salle de billard, nous sommes plus tranquilles. Je vous en prie. Vous aviez quelque chose à me dire ? Cet endroit me rappelle un peu mon gentleman's club de Londres. Vous n'êtes pas très bavard. Vous n'attendez tout de même pas de moi une conversation mondaine sur votre pays natal ? Dites-moi ce pourquoi vous m'avez fait venir. Prenez un cognac. Ce que j'ai à vous dire va vous... upset, en anglais. Bien. J'ai assez perdu de temps. Monsieur Castro, bonsoir. Attendez. Le sénateur Shura Kessner est un ami. Je lui ai raconté ce que je vais vous dire. Vous pourrez vérifier. Il m'a conseillé de vous voir. C'est une garantie de la véracité de vos propos. Voici mon histoire. L'autre jour, je sortais d'ici. J'avais un peu flâné. J'aime les boulevards le soir. Suivez, je vous prie. Oui, oui, d'accord. Donc, j'attendais l'omnibus, place de la Madeleine. Un camelot passe près de moi vendant ce journal, celui qui a publié le fac-similé du bordereau. Le Matin. C'est ça. Et j'ai eu un éblouissement. Vous pouvez être plus précis ? Ça m'a saisi. C'était flagrant. L'écriture du bordereau, je l'ai reconnue tout de suite. Je suis rentré précipitamment chez moi, vous pensez. J'avais des lettres. Des lettres de qui ? Qui est-ce ? Regardez dans ma serviette. Je vous les ai apportées. Un de mes anciens clients. Un officier français. Très endetté. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Les doubles S. Les points sur les I reliés à la lettre suivante. Mais oui. C'est l'écriture du bordereau. Qui est-ce? Son nom? Approchez. Il s'agit de... Novembre 1897, coup de théâtre. Le sénateur alsacien Scheurer Kestner, convaincu de l'innocence de Dreyfus, a révélé au président de la République, Félix Faure, le nom du véritable auteur du bordereau. Le sénateur s'appuie sur le témoignage du colonel Picard, qui dirige les services de renseignement depuis un an. Dès son arrivée, Picard a rouvert le dossier secret du procès Dreyfus. Et il a immédiatement rapproché l'écriture du bordereau de celle d'un officier du deuxième bureau de l'état-major, le commandant Esterhazy. Témoin gênant, Picard est alors envoyé en mission loin de la France. En ce mois de novembre 1897, le sénateur a révélé dans un article les découvertes du colonel Picard. Mais redoutant sans doute la réaction de l'armée, il ne donne pas le nom du coupable. À ce moment-là, Mathieu emménage avec sa famille au 184 boulevard Haussmann. Alfred ne résistera plus longtemps. Ça suffit. Il ne faut plus prendre de gants. Ce sénateur, Scheurer Kestner, il dit qu'il connaît le nom du vrai coupable. Pourquoi alors il ne le cite pas dans son article? Je le connais, moi, son nom. Comment fait cette crapule pour porter sur sa conscience d'avoir détruit la vie d'un homme, d'une épouse, d'une famille? Bon sang. De quoi a-t-il peur? C'est un sénateur, que diable! Ah, ici, faites attention, il y a des caisses partout. Vous avez lu l'article? Un sénateur à nos côtés. Mais il ne dit pas le nom de ce misérable. Pourquoi? Je ne sais pas. Lucie, je sais aussi qui est le coupable. Vous n'en avez pas parlé? Je voulais mener mon enquête. Qui est-ce? Le comte Esterhazy, un joueur qui aime le luxe, monte des escroqueries, cherche à épouser des femmes riches. En avril 1894, à court d'expédients, il s'est mis à vendre des renseignements à l'ambassade d'Allemagne. Il faut qu'il soit arrêté. Un innocent est au bagne depuis 3 ans. Si vous savez son nom, Mathieu, vous devez le dénoncer. Mais est-ce qu'on croira le frère d'Alfred Dreyfus? Qui peut le faire sinon vous? Vous avez raison. C'est un militaire? Français? Esterhazy? C'est une canaille. Monsieur le ministre, la seule base de l'accusation dirigée en 1894 contre mon malheureux frère est une lettre missive non signée, non datée. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'auteur de cette pièce est monsieur le comte Ferdinand Valzin Esterhazy, commandant d'infanterie. Je ne puis pas douter, monsieur le ministre, que connaissant l'auteur de la trahison pour laquelle mon frère a été condamné, vous ne fassiez promptement justice. Veuillez agréer, etc., etc. Mathieu, il faut le faire. Mais jamais l'armée ne reconnaîtra une erreur judiciaire. Et vous croyez que les antisémites lâcheront leur proie? Ils ont tenu leur premier meeting anti-Dreyfusard rue de Vaugirard, le saviez-vous? La jeunesse antisémitique de France, ils appellent ça. 1000 étudiants armés de cannes en bois. Ils ont blessé à la tête les anarchistes venus les attaquer. Vous verrez, un jour, ces gens-là auront des députés. Nous ne sommes plus seuls. Des voix s'élèvent. Je ne connaissais pas cet écrivain. Émile Zola, une âme d'élite. Ah, quelle force. Tout en moi se révoltait à cette idée. Mais Zola a raison. C'est l'antisémitisme qui accuse mon frère. C'est la République qu'on frappe. Celle qui réunit tous les citoyens sans exception dans l'égalité, la fraternité, la liberté. Aujourd'hui, enfin, c'est le procès du vrai coupable. Le 10 janvier 1898 s'ouvre le procès Esterhazy. Les choses sont allées très vite. Tous les journaux ont publié la lettre de Mathieu au ministère de la Guerre où il donne le nom du vrai coupable. De son côté, Bernard Lazare, l'anarchiste, devenu l'ami fidèle des Dreyfus, a édité sa brochure « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». L'état-major, devant ses preuves flagrantes et sous la pression de l'opinion publique, traduit Esterhazy devant le Conseil de guerre. Esterhazy sera condamné. Sa culpabilité, c'est l'innocence d'Alfred. Ils seront obligés de rouvrir le dossier. Enfin, la révision du procès d'Alfred. Mais si l'armée... Tous les menteurs vont comparaître à nouveau. Non. Le sentiment d'une grave injustice va les troubler. Ils savent bien que le jugement de la vérité s'abattra un jour ou l'autre. Comme l'a écrit Zola, la vérité est en marche. Et rien ne l'arrêtera. Rien ? Non, rien. Bientôt tout sera fini. L'affaire Dreyfus, épisode 1, La République à l'épreuve, de Christine Spianti, avec Alfred Dreyfus, Barthélémy Méridien, Mathieu Dreyfus, Elia Birman, Lucie Dreyfus, Esther Van Dendrich, Maître de Mange, Daniel Königsberg, Jacques de Castro, Gérard Cherki, le commandant du Paty de Clam, Jérémy Bedrune, le général d'Arras, Philippe Bautier, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Delphine Baudet et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Claire Chesneau, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur l'affaire Dreyfus avec mon invité Vincent Duclerc. This house of ours, a ball and chain. This house of ours, where no one reigns. Forget my name and our Firefly de Pierce Faccini sur France Inter. Autant en emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Vincent Duclair, je viens donc de raconter le tout début de l'affaire Dreyfus. On pourrait penser qu'elle va s'arrêter là, au moment où s'ouvre le procès d'Esterhazy, tout le désigne comme le vrai coupable. Il y a quelque chose de kafkaïen dans cette histoire. Oui, je pense que la fin de la première partie de cette fiction le montre bien. Cet acquittement du vrai coupable démontre qu'on n'est pas dans une erreur judiciaire. On est dans cette conspiration qui a pour but, je veux dire, d'empêcher la société civile, d'empêcher des élites juives, d'empêcher ces officiers modernistes d'accéder au fond au pouvoir et donc peut-être de mener des guerres différentes aussi. Hein. On se demande de quelle justice il s'agit finalement. Justice aux ordres. C'est une justice militaire. Oui. Les juges militaires ne sont pas des professionnels, c'est-à-dire qu'ils agissent un temps donc au service de la justice militaire, mais ils reviennent ensuite dans leur régiment ou à l'état-major. Donc ils n'ont pas effectivement cette indépendance de la magistrature dite civile, hein, ordinaire. Et d'autre part, ils sont soumis à d'énormes pressions. La fiction l'a très bien montré. Hein. La presse, et donc la presse notamment d'extrême droite, la presse antisémite, a révélé donc l'arrestation d'un officier juif. Et donc cet officier juif, forcément, est coupable avant même d'avoir été condamné, jugé. Oui, il y a une forte pression de la presse, effectivement. Pour une partie de l'opinion. Et si jamais le Dreyfus est acquitté, eh bien c'est une véritable catastrophe pour aussi le personnel républicain qui apparaîtrait comme protégeant les juifs. Donc c'est quasiment une injure à ce moment-là dans l'histoire de France. D'où, en fait, cette convergence des intérêts et des volontés pour que Dreyfus soit condamné. Et il est condamné sur la base d'un dossier secret, et c'est bien raconté, qui est transmis en salle des délibérés, dossier secret qui comporte des faux. Et en plus, ce procès est manipulé dès le départ. Il y a des représentants du ministère de la Guerre, tout ça, alors qu'on est à huis clos. Donc, on est dans une complète illégalité, un viol au fond des principes mêmes, notamment inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ensuite, la dégradation a été pensée comme une véritable cérémonie moyenâgeuse. Hein. Il n'était pas du tout obligé, nécessaire d'avoir une telle cérémonie, mais c'était une cérémonie visant à briser Dreyfus, qui précisément tenait tête et redisait son innocence après sa condamnation. Et la déportation a été entachée de très nombreuses illégalités. Dreyfus n'a pas pu accéder à son dossier, alors que tout condamné a le droit d'accéder à son dossier. Hein. Il a été soumis à une torture physique, psychologique, et alors même qu'il a continué par ses lettres à clamer son innocence, à demander des enquêtes. Et ces enquêtes-là, et c'est ça ce qui est très intéressant, ces enquêtes-là, elles sont menées par son frère, avec le soutien de Lucie Dreyfus. Et je voudrais ajouter quand même quelque chose d'important, oui. C'est qu'on est effectivement au milieu de gens très jeunes. Lucie Dreyfus a 25 ans, Mathieu Dreyfus et Alfred Dreyfus ont tout, entre 30 et 40 ans. Ce sont des jeunes gens. Et finalement, la jeunesse va aussi prendre fait et cause assez largement pour le capitaine Dreyfus. C'est un moment, effectivement, je crois, important de ce renouvellement génération. Oui, est-ce qu'on remarque aussi dans ce début de l'affaire Dreyfus, c'est qu'ils sont très peu nombreux, les gens qui croient en l'innocence de Dreyfus. C'est Lucie, voilà, on l'a dit, c'est Mathieu. Même Zola, à ce moment-là, n'y croit pas. Clémenceau non plus, Jaurès non plus. C'est grâce à la détermination, notamment de Mathieu, on l'entend, il y consacre tout son argent, il abandonne son travail à Mulhouse, il vient vivre à Paris. C'est un personnage remarquable. Oui, vous avez raison, c'est d'abord un combat familial. Alors, ce combat est quand même largement aidé par le fait que Dreyfus conserve l'autorisation d'écrire, mais il n'a absolument pas le droit d'écrire sur le fond du dossier. Mais ses lettres témoignent aussi de la détermination du capitaine Dreyfus. Je crois que le premier Dreyfusard, et ça je l'ai écrit dans ma biographie, c'est Dreyfus. Bien sûr. Et d'autre part, Mathieu est quand même soutenu par des élites intellectuelles. On sait qu'au sein de l'École normale supérieure, Lucien R, les savants qui, les professeurs qui ont, comme profession et comme vocation, de rechercher la vérité, se rendent compte que c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est une affaire qui polarise la France. Et donc cette affaire qui polarise la France représente la France, elle représente la France à l'étranger en plus. Et de ce point de vue-là, eh bien, on aura cet engagement des intellectuels, cet engagement des écrivains, des artistes. Qui vont arriver donc progressivement et qui sont individuels quand oui, même. Oui, qui vont arriver progressivement, mais qui sont déjà un peu préparés. Ils sont préparés aussi parce que c'est peut-être anecdotique, mais c'est important à souligner. Un an auparavant, ils ont aussi combattu pour les Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman. Donc ils sont prêts d'une certaine manière. Les réseaux se sont constitués et c'est pour ça que Mathieu va finalement permettre, va déclencher aussi l'action des Dreyfusards qui témoigne aussi du caractère positif de cette affaire. Est-ce que c'est l'armée qui a commis une erreur et qui s'en faire par refus de reconnaître qu'elle a fait une erreur, ou est-ce que c'est parce qu'elle a choisi vraiment dès le début de fabriquer un coupable, que c'est un juif et que c'est un officier moderniste? Alors c'est une très bonne question. Dans l'armée, il y a des officiers qui vont combattre pour Dreyfus, pour défendre Dreyfus, à commencer par Colonel Picard. Hein. Mais dans la fiction, on mentionne que le commandant de la prison refuse d'accepter les tortures que du petit Clave veut infliger à Dreyfus. Vous voyez, cette lanterne qu'il va projeter sur... Donc effectivement, le commandant des prisons militaires de Paris est convaincu de l'innocence du capitaine Dreyfus et perdra en fait son poste. Hein. Et donc il y a effectivement dans l'armée ce courant moderniste et Dreyfusard qui défend Dreyfus. Néanmoins, au fond, la majorité de l'armée et surtout ses chefs ne conçoivent pas qu'une institution comme l'armée puisse reconnaître une erreur. Et d'autre part, ils estiment que cette erreur peut entraîner une baisse de pouvoir, un effondrement de la puissance militaire de la France. Et finalement, c'est cet enfermement dans la volonté de maintenir la culpabilité de Dreyfus qui amène à continuer à fabriquer le dossier secret. Le dossier secret va prendre des proportions énormes, ça a été étudié récemment par d'autres chercheurs, et à menacer aussi tous ceux qui voudraient défendre le capitaine Dreyfus. Donc on n'est pas du tout dans une erreur judiciaire, on est dans une conspiration qui vise Dreyfus, qui vise les Dreyfusards, et qui fait pression sur le gouvernement. Parce que vous avez raison, la dernière, au fond, la grande énigme, c'est comment Comment le gouvernement a pu cautionner cela? Est-ce que ça veut dire que la Troisième République, à ce moment-là, de son histoire, était au service de l'armée? Alors, comment Félix Faure savait que oui. Dreyfus était innocent? En fait, globalement, l'ensemble des élites républicaines savaient que Dreyfus était innocent. Ils ont estimé que la reconnaissance de l'innocence allait amener trop de dégâts dans la nation française. Ils ont eu peur aussi, parce que c'est vrai aussi que l'opinion antisémite progressait en France. Il y avait aussi, en étant un temps d'élection, hein, car au printemps 1998, c'est un temps d'élection. Donc il y a ce manque de courage. Et c'est vrai qu'il faudra attendre le courage d'un homme politique qui va, au fond, clore temporairement l'affaire, qui est Valdez-Crousseau, et qui va clore l'affaire aussi par de nouvelles libertés, comme la liberté d'association. Donc on peut réfléchir avec l'affaire Dreyfus sur, au fond, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le courage personnel, qu'est-ce que la responsabilité, la solidarité des personnes. C'est une affaire qui nous enseigne beaucoup. Merci Vincent Duclerc, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet, notamment la biographie Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote chez Fayard, également Dreyfus est innocent, histoire d'une affaire d'État avec de magnifiques illustrations chez Larousse et l'affaire Dreyfus aux éditions La Découverte. Voilà, c'est la fin ce soir d'Autant en emporte l'histoire. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur le site franceinter.fr. Et vos commentaires sont bien sûr les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, ce sera le deuxième épisode de notre série consacrée à l'affaire Dreyfus, avec cette fois comme personnage principal Émile Zola, l'écrivain qui, au risque de sa vie, prit fait et cause pour Dreyfus et, grâce à son fameux « j'accuse », fera finalement triompher la vérité. L'affaire Dreyfus, épisode 2, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.